toujours à la même occasion, l'Union des villes héroïques entre États de Russie a organisé le 8 décembre à Moscou des expositions de livres et de photos coréens, séances de films, concerts de souvenirs et services de remise de livres. Dans la salle de cérémonie se trouvaient les photos des activités révolutionnaires des dirigeants Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un. Y ont participé les personnalités de diverses unités d'activités russes et ont été invités l'ambassadeur coréen en Russie et ses collaborateurs. On y a projeté le film coréen « Rencontre entre le grand dirigeant Kim Jong-il et le président Poutine de la Fédération de Russie ». Lors du concert de souvenirs, les artistes russes ont monté sur la scène des chants coréens comme « Fascination et respect » et des chants russes au sujet patriotique. Des œuvres classiques des grands hommes d'Ektesan et des livres sur leur grandeur et la réalité de la Corée ont été remis au directeur de la Maison nationale de la municipalité de Moscou.